Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le tatouage de l'Égypte ancienne à nos jours. Il y a autant de femmes qui viennent se faire tatouer que les hommes. Ça m'est arrivé là, 2 semaines passées d'en tatouer un dans le front. Il voulait avoir un nom, son nom marqué dans le front, j'ai marqué. Il voulait avoir blacké, ça fait que aujourd'hui, il porte son nom dans le front. C'est ça qu'il voulait avoir. Même on en pose ses fesses. On en pose partout. Un œil chaque fesse, ces affaires-là. Les tatouages, des tatouages comiques. Le tatoueur montréalais Clément Demers, qui ne s'étonne plus de rien en matière de tatouage, extrait du documentaire de 1962 « Adulte avec réserve », un documentaire de Jack Zoloff et Marc Baudet. Si l'histoire du tatouage remonte à la nuit des temps, l'usage qu'on va en faire va varier au cours des âges. Et si le tatouage est aujourd'hui très à la mode, il n'en a pas toujours été ainsi. Il avait cette fille dans la peau, et pour ne pas l'oublier, il se l'était fait tatouer, tatouer, juste à la place du cœur. Tatoué, Jérémy. Il s'est fait tatouer un cœur, Jérémy. Tout le monde a un cœur. Tatoué un cœur, tatoué, Jérémy. On peut lire à l'intérieur, Jérémy. De même sur les avant-bras. Elle a plus d'une trentaine de tatouages qui sont disposés de manière symétrique sur son corps. Ça démarre sur son cou. Elle en a 9 sur le cou uniquement. Et ensuite, elles sont apposées, donc sont sur son corps, au niveau de ses bras. Tout juste sous l'épaule, une forme de serpent qui ondule. Plus bas, sur le bras, 2 vaches sacrées en parfaite symétrie qui se font face. Le corps serait celui d'une femme âgée entre 24 et 35 ans. La trentaine de tatouages aurait été réalisée il y a plus de 3300 ans, à l'époque de Toutankhamon. Aussitôt qu'on a commencé à montrer les photos à certains égyptologues, archéologues, qui donc n'avaient jamais vu de telles choses, de tels tatouages, j'en ai vu quelques-uns, la mâchoire leur est tombée, ils ont arrêté de mâcher leur chewing-gum. Encore une fois! C'est-à-dire un peu plus bas. Serge Gainsbourg, et ce que vous entendiez sur cette musique de Gainsbourg, c'est un extrait de reportage de Charles Amboise diffusé en août 2016 où le chercheur québécois Cédric Gobeil parle de sa récente découverte d'une première momie égyptienne au tatouage symbolique. Pour retracer les origines du tatouage, en faire l'histoire, l'historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot. Laurent, bonjour. Bonjour, Jacques. Laurent Turcot, avec ou sans tatouage? Avec tatouage. Avec. Vous le voyez ben, en je le plus. Vois, de fait. Ben, il oui. est devant vous, tout malgré moi. Sur l'avant-bras. J'en ai un petit, oui. Bon, c'est tout? C'est tout, c'est tout. Ma copine, elle en a beaucoup plus. C'est d'ailleurs elle qui m'a amené dans la religion du tatou. Et ce qui est affreux, c'est ben, maintenant que j'en ai un, j'en veux un deuxième. Ah, c'est comme ça. C'est une drogue. Voilà. Revenons à cet extrait qu'on vient d'entendre. C'est formidable pour un historien parce que ça nous dit que à quel point ce sujet qu'on fait aujourd'hui est pertinent, toujours, et à quel point on continue constamment d'en apprendre en matière de tatouage. L'importance de cette découverte faite par ce chercheur québécois en 2016. Ben oui, c'est toujours la question de savoir quand est-ce que ça a commencé. Hein. Les mauvais historiens disent que c'est depuis la nuit des temps. Les bons historiens cherchent des traces. Et ouais. Là, on a des belles traces, mais c'est pas la première et c'est peut-être pas la plus ancienne non plus. Une des très, très grandes découvertes archéologiques, c'est en 1991, dans les Alpes italiennes, on a découvert le corps momifié mais par la glace, d'un chasseur. Et sur le chasseur en question, qui avait été piégé par la neige, on s'est rendu compte qu'il y avait des tatouages, mais des tatouages qui étaient aussi à des endroits assez précis, c'est-à-dire les articulations. Et là, les historiens se sont dit, mais les archéologues aussi, peut-être que ces tatouages aussi avaient une fonction thérapeutique. Mmh. Parce que là, aujourd'hui, quand on regarde nos tatouages, on dit, ben oui, c'est décoratif, ça illustre l'individualité de chacun. Mais qu'en est-il du sacré qu'il y avait derrière ça? Le lien qu'on pouvait faire et la symbolique. Vous avez évoqué plusieurs des éléments qu'on retrouve de symbolique, de signes aussi. Mais que révèle-t-il? Mmh. Aujourd'hui, on s'entend quand vous demandez à quelqu'un que représente votre tatouage, vous avez une chance sur deux de vous faire dire, ben c'est personnel. Ouais. C'est vous dire à quel point la symbolique peut être fermée et le codage peut être compliqué. La perception. perception, l'usage, oui. En fait, pourquoi on se fait tatouer, ça va évoluer, la perception qu'on a du tatouage, ça va évoluer. Puis en termes d'importance historique, il y a bien sûr la date, mais ce que nous, je reviens à cette découverte de ce chercheur québécois en 2016, lui, l'intérêt, si je comprends bien, c'est que c'est le motif, c'est la valeur symbolique sur une momie, là. C'est ça qui fait que sa découverte, tout à coup, devient intéressante. Oui, tout à fait. C'est que c'est vrai que la symbolique que l'on attache au signe révèle le lien qu'on fait entre le sacré et le corps momifié. Mais encore une fois, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas neuf. Mmh. Chez les Égyptiens, on le faisait. On a retrouvé des momies d'une culture Chikongro du Pérou, pré-Inca, c'est-à-dire avec une moustache tatouée sur la lèvre supérieure. On a même retrouvé des momies d'Amunet, une prêtresse du Moyen Empire égyptien, qui arborait des tatouages qu'on associait à la sexualité, à la fertilité. Donc, il y a tout un vaste répertoire, une palette de symboliques qui s'offrent et qui, malheureusement, nous sont presque inaccessibles parce qu'il y a tout une structure de mentalité à laquelle on n'est pas habitué. Mmh. Parce que justement, d'où vient le tatouage? Quels sont les premiers? Quelles étaient les significations? Mmh. Ben, avant de parler de tout ça, il faut peut-être dire le mot. D'où vient-il? Oui, le c'est fameux... intéressant d'ailleurs. Ben oui, vient beaucoup plus tard que la pratique. Et ce n'est pas le même en anglais et en français. Ouais. En anglais, c'est tattoo et tattoo, et en français, c'est tatouage. Ne dites pas tatou en français, c'est un anglicisme. Ben, d'où vient-il? Ben, on est en 1769 et le capitaine anglais James Cook, après la bataille des plaines d'Abraham de 63, s'embarque sur un navire et décide de faire le tour du monde. Il arrive à Tahiti et rencontre les indigènes imaginez les indigènes polynésiens, le corps marqué de ces tatouages qu'on appelle à l'époque des scarifications, des peintures, des taches. On n'a pas le mot encore tatou. D'où vient-il? Ben, c'est dans la langue du polynésien, le mot existait « tatao ». Et c'est une transformation, une adaptation, un peu le téléphone arabe, si vous préférez, qui va donner « tatou ». D'où le tatouage. Donc, c'est le mot comme tel, on peut donner son origine au 18e siècle. Mais ils existaient bien avant ça. Ça commence quand, en fait? Parce que revenons-y, bon, il y a eu l'Égypte, tout ça, mais quand est-ce que l'Occidental se met à se faire tatouer, Laurent Turcot? Ben, l'Occidental va naître, pourrait-on dire, avec la grande civilisation gréco-romaine. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on va tatouer non pas pour son propre plaisir personnel, mais comme acte de justice. On va tatouer les esclaves, les mercenaires, et ça, c'est intéressant parce que la notion du corps comme casier judiciaire. Mmh. Aujourd'hui, les fiches de signalement sont nombreuses. Quand un criminel, en fait, est en fuite, on affiche son portrait à la télé, on le décrit à la radio, dans les journaux. À l'époque, on n'est pas dans une société d'information. Et comment peut-on répertorier les gens qui sont coupables de crimes? Mm-hmm. Ben, on se sert de leur corps. Vous le savez, dans certains cas, on coupe les mains aux voleurs. Dans d'autres, ben, simplement, on marque leur corps. C'est ce que vont faire les Grecs et les Romains. Donc, on marque le corps. Mais pratique qui n'est pas qu'occidentale. Mm-hmm. Les Japonais, au 7e siècle après Jésus-Christ, vont faire la même chose. On tatoue le corps pour dire, c'est un paria, il a fauté. Mm-hmm. Mais ça aide aussi à reconnaître les récidivistes. Quelqu'un qui a volé une fois. Par exemple, à l'époque moderne, au 16e siècle, quelqu'un qui avait volé, on lui fait inscrire la lettre V sur l'épaule. Ah ouais. Il y a toute une codification. Ben oui, pour les galériens, ceux qui ont fait les galères, c'est le G-A-L. Ceux qui sont des repris de justice, on leur met la fleur de lys. Donc, c'est une manière de dire « votre corps ne vous appartient pas, l'acte de justice a été passé et nous savons qui vous êtes. N'essayez pas de sortir à travers les mailles du filet. On va vous avoir. » Avec déjà le caractère, puis ça fait partie de... Peu importe la raison pour laquelle on est tatoué. Là, c'est du tatouage forcé dont vous parlez, mais le côté indélébile, l'aspect durable. Ben oui, on peut parler le tatouage forcé. La pire des époques pour le tatouage forcé, c'est l'époque nazie. Mm-hmm. Et souvenez-vous de ces camps de concentration, de ces numéros que l'on faisait porter aux Juifs. Vous n'êtes plus un être humain, vous n'êtes qu'un numéro. Ouais. Et plusieurs des Juifs qui vont se sortir des camps de concentration... On a l'image du bétail, évidemment, là, avec complètement, ce type de complètement, qui est envoyé dans des wagons de manière complètement inhumaine. Mais il y a certains qui vont détourner le tatouage forcé, comme par exemple l'écrivain italien Primo Levi, qui avait été envoyé dans des camps de concentration et qui avait sur son bras un numéro. Eh bien, lui, par acte de défiance, quand il se rendait en vacances l'été en Allemagne, il portait une chemise courte pour montrer son tatouage, pour dire « voici ce que votre peuple a fait ». Et encore plus intéressant, les descendants des Juifs qui ont fait les camps de concentration se font tatouer les numéros de leurs parents pour dire « nous n'oublierons pas ». Donc c'est un détournement, mais qui est encore, non pas individuel, mais une identité collective porté par les générations pour dire que le génocide a existé. Nous le portons non pas nécessairement comme un boulet, mais pour s'en délier à travers la mémoire future. Le tatouage chez nous, Laurent Turcot, ça apparaît dans quelles circonstances et à quelle époque? Ben oui, le tatouage. En fait, ce qui est intéressant, c'est que après l'Antiquité, il va avoir une espèce de période très, très molle pour le tatouage, pour le dire comme ça. L'Église catholique considère que le corps, et on le sait à quel point l'Église catholique a été importante au Québec, le corps ne peut pas être touché. Nous sommes le reflet de Dieu, et comme Dieu est parfait, il nous a fait parfait, nous sommes à son image. Interdiction donc de tatouer. Ce qui fait que les missionnaires, quand ils arrivent ici au Québec, ben ils vont être extrêmement marqués par les Autochtones qui, eux, souvenez-vous, dans les images d'Épinal qu'on voyait, sont marqués par des tatouages. Comment le faisait-on? Ben, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on le prenait avec des couteaux, on mettait un peu d'encre dessus ou ce qui ressemblait à de l'encre et c'était extrêmement douloureux. On imagine, ouais. Et les Autochtones, les Amérindiens, que ce soit les Iroquois, que ce soit les Hurons, se servaient des tatouages pour marquer le passage, que ce soit l'adolescence, que ce soit la première bête tuée, que ce soit le mariage, pour dire « nous passons à une étape suivante ». Et les missionnaires vont être complètement marqués par la chose. Et certains, plutôt que de les réprimer dans leurs actes, dans leur manière d'agir, vont dire « écoutez, plutôt que vous faire tatouer des serpents, des lézards, des écureuils, des tortues ou des fleurs, pourquoi ne pas le faire avec une croix, avec le Saint-Nom de Jésus ?» Donc, l'évangélisation va passer par une transformation. Récupération du tatouage. Oui, vous savez à quel point l'Église catholique a été bonne pour récupérer les saints païens pour en faire des saints catholiques. Ben, c'est la même manière qu'on fait ici. On dit « vos croyances sont bonnes, simplement changez les signes et tout passe. Ouais. » Hommes-femmes, chez les Amérindiens, on peut voir une différence. On se fait pas tatoué pour la même raison, selon qu'on soit homme ou femme. Ah, tout à fait. L'homme, ça va toujours être sur la virilité brute, agressive, féroce. Pour la femme, ça va être symbole de la fertilité. Donc, combien d'enfants a-t-elle porté? Est-ce qu'elle a subi des malheurs en couche, etc., etc.? Donc, c'est... On parlait tout à l'heure de casier judiciaire, mais ça vient aussi une fiche signalétique de nos plus grands malheurs. Certains aiment à se faire tatouer leur plus grand plaisir et leur plus grande déception dans la vie. Si les Amérindiens, bon, ils vont délaisser, cela dit, je ne sais pas si c'est les religieux qui auront raison de la pratique, mais ils vont se détourner du tatouage au 19e siècle, Laurent Turcot, alors qu'en Europe, au contraire, on y revient, on sort du grand mot dont vous nous parliez. Même dans cet Angleterre victorienne, on se fera tatouer. C'est étonnant quand même, parce que le 19e siècle, on le pense comme une espèce de chape de plomb qui tombe sur les corps. Tout le monde s'en sert dans des vêtements, les femmes portent des corsets, on voit à peine quelques bouts de chair, c'est à peine si on voit les chevilles des femmes. Eh bien, pourtant, c'est le moment où la belle Angleterre victorienne se fait tatouer. Et juste pour l'anecdote, la reine Victoria, qui est justement la période victorienne, se serait fait tatouer, je vous dis « ce serait » parce que ça reste une hypothèse, mais quand même assez véridique, se serait fait tatouer un tigre affrontant un python alors qu'elle était en voyage au Japon. Et pas un petit, là, un énorme dans le dos. Imaginez un peu la reine Victoria avec la chose. Et imaginez même aujourd'hui la reine Élisabeth II. Je pense que ça serait assez drôle. Complètement. Ouais. 20e siècle, évidemment, ce sera le grand siècle du tatouage. Et qui seront nos premiers tatoués du 20e siècle? Évidemment, il y a des images qui nous viennent tout de suite. Les marins, les marginaux, les mauvais garçons, les durs, quoi. Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi, je trouve que ça fait tartouze, et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale. Un vrai, un dur, un tatoué, chanson de Fernandel en 1938. C'est vrai que cette image du dur, Laurent Turcot, du mauvais garçon, ça va longtemps être associé au tatouage. Puis dès le début du tatouage, sur une base assez généralisée, avec la technologie qui le permet, fin 19e, début 20e. Oui, la technologie va évoluer énormément, parce que je vous disais en entrée d'émission qu'on se fait tatouer des fois avec des couteaux, des ciseaux et de l'encre. Ben, en 1891, une machine va être brevetée par Samuel O'Reilly, qui va utiliser une des inventions de Thomas Edison, qui est le mimographe ou le stylographe, et c'est une aiguille qui, avec un moteur rotatif, pique de manière très, très, très rapide en mettant de l'encre sous-cutanée. Donc, on peut se faire tatouer de manière assez efficace et rapide. Mais pourquoi ce sont les mauvais garçons qu'on associe au tatouage? Mais pour une raison très simple. Au 19e et même, on pourrait dire jusqu'au 20e siècle, on va regarder qui sont les grands criminels. Hein? On veut déterminer une physiologie physique du criminel et même la craniométrie. Vous connaissez cette idée selon laquelle on évalue votre crâne pour vous dire vous avez les bosses des maths. Ah non, vous allez devenir un violeur. Mm-hmm. Et on se rend compte que les grands criminels sont tous tatoués, ou beaucoup. Donc, on se dit, il y a une corrélation entre le tatouage et le vecteur de désordre social. Donc, c'est pour ça que l'image qui encore aujourd'hui perdure. Ouais. Mais l'autre catégorie sociale à laquelle on pense beaucoup, et là, vous pensez au capitaine Haddock, ben, ce sont les marins. Ouais. Les marins, ça va être un symbole d'initiation, la valeur initiatique du tatou. Tu as traversé l'Atlantique pour la première fois, eh bien, on va se faire la fameuse encre de marin qui est le symbole de toutes les tuturpitudes qu'on a connues lors de la traversée. Ça, c'est l'espèce de fondation, la première image dès la fin 19e, début 20e qui nous vient quand on pense au tatouage. Mais ça va évoluer, évidemment, tout au cours du 20e siècle, ce qui fait qu'on peut se demander ce que ça va devenir, le tatouage, pourquoi on se fait tatouer. Le chanteur Renaud en parle à Anne-Marie Dussault à l'émission Contre-champ en 1984. Vous allez voir, il lui décrit d'abord ses différents tatouages. Pourtant, le premier, c'est un poulbeau, c'est-à-dire un gamin de Paris, le titi parisien type, quoi, de la butte Montmartre, une espèce de gavroche. Le second, c'est quand j'ai rencontré ma blonde. Je suis retourné chez Bruno, je lui ai dit, bah voilà, je suis amoureux, ah, tu vas me faire un tatouage d'une... j'ai regardé les modèles, et j'ai vu un aigle, un symbole quand même de la puissance de l'amour, la rose, la fleur, talada. Des chaînes quand même aussi un petit peu, mais une jolie chaîne. Qui me lie à elle. Qui me lie à elle, oui. Et puis un prénom, alors le sien, Dominique, mais on peut barrer, on peut en mettre d'autres jusque-là. Et l'autre, c'est quand ma fille est née, Lolita, j'ai eu envie aussi de l'immortaliser, enfin de... C'est un tatouage, c'est un peu un serment, c'est une profession de foi. Mais qu'est-ce qui arrive si on ne veut plus être tatoué? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez vouloir être tatoué toute votre vie? La beauté du tatouage, c'est justement que c'est éternel et c'est... C'est pas un truc qu'on fait à la légère, quoi. Et l'intérêt du tatouage, c'est que c'est définitif. Si c'était un décalcomanie, c'est ridicule. Comme j'en ai marre de me faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. C'est assez beau, cette vision qu'a Renaud du tatouage de Laurent Turcot. C'est romantique aussi, cette espèce de profession de foi. Ça arrive quand... Donc, une vision très très intimiste, très personnelle, de lier qui m'appartient à moi, de lier au tatouage. Ça me semble moderne. Ça arrive quand, cette vision-là du tatouage? Ben, un des éléments déterminants, et je pense que Renaud l'incarne magnifiquement, c'est la perte des grandes religions, c'est-à-dire la perte de la grande symbolique religieuse et... par le fait même, le détournement de toute une symbolique au profit personnel. Mmh. C'est-à-dire une espèce de syncrétisme, un mélange de toute une signification. Et là, quand je dis mélange, ça peut aller des signes japonais jusqu'aux signes amérindiens, en passant par une symbolique judéo-chrétienne. On mélange tout ça. Et l'important, ce n'est pas ce que la religion ou la grande tendance de l'histoire de l'art nous dit, c'est que nous, ce que nous nous donnons à tel objet. Et la quête d'individualisme va même se transformer dans les années 1960 en forme de contestation sociale. Parce qu'au début du 20e siècle, c'était les marginaux, vous l'avez dit tout à l'heure, les mauvais garçons. Mais à partir de 1960, ben là, les gens s'en servent pour dire « Moi aussi, je me rebelle contre la société. » Et vous allez même avoir des très, très grandes stars hollywoodiennes qui vont se faire tatouer avec le mass-média, avec la culture médiatique où on voit ces personnages tutélaires se faire tatouer. On se dit « Ben écoutez, peut-être que ça devient une mode. » Mais la mode, comme Renaud le disait, c'est qu'elle est éternelle. Ouais. Donc, on ne peut pas le faire à la légère. C'est vrai que certains, à 3 heures du matin, se font tatouer pour le regretter toute leur oui. vie. Mais cela étant, pour plusieurs, ça reste un rite initiatique, une expression à vie qui n'est pas que ouais. décorative. Et vous lisez dans mes pensées, Laurent Turcot, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont regretter de s'être fait tatouer. Puis il y aura éventuellement, mais pas tout de suite, la possibilité de se faire détatouer. Mais avant que ça n'existe, ça donne des grands malheurs. On écoute Marjorie Soucy, qui parle justement de la honte du tatouage qu'elle porte, entrevue présentée à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1975. En premier, j'avais fait marquer Marjo Love Donald. Et puis lui avait fait marquer Donald Love Marjo. Et puis j'ai tenu ça comme ça. Pendant une couple d'années, ça ne m'a pas dérangé beaucoup. Mais quand ça a parti, là, cet amode-là, là, puis je me voyais toujours le bras comme ça. J'avais des complexes de ça. Quand j'étais pour aller en... Je sais pas, j'étais pas sortie propre en robe, quelque chose, mais il fallait tout le temps que je porte des manches longues. Pourquoi il fallait que vous portiez des manches longues? Vous vouliez pas montrer votre tatouage? Non, parce que ça avait l'air vulgaire. C'était pas féminin du tout. Ça me gênait. Ça me gênait terriblement. Quand quelqu'un me disait, « Ah, oh, ben regarde ça, qu'un est tatoué. » Là, j'étais pas mal gênée de ça. Fait qu'après ça, ben, j'ai dit qu'il y a plus personne qui va me poser de questions. Je vais porter des blouses à manches longues ou des robes à manches longues. Mais il y avait des inconvénients quand il venait les saisons chaudes. J'étais pris. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui vont se reconnaître un petit peu, Laurent Turcot, dans ce témoignage de Marjorie Soucy. Évidemment, c'est 1975. Depuis, on peut se faire détatouer, mais c'est vrai que ça nous en dit beaucoup sur le rapport qu'on a au tatouage, sur la façon dont la perception des tatouages va évoluer aussi. Oui, l'extrait est magnifique parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus, mais un des aspects sur lesquels il faut insister, c'est le rôle de la conformité sociale. Cette femme qui dit « les gens me regardent, me jugent ouais. » et ce n'est pas le regard attendu d'un corps qui sort avec une robe de soirée que d'avoir des tatouages dans ce milieu-là. Dans d'autres, par exemple, si vous sortez dans une boîte à 3 heures du matin, ben c'est normal d'avoir des tatous. Donc, il faut toujours respecter les codes d'une société propre. Et la pauvre femme, visiblement, l'a fait à une époque où elle ne pensait pas changer de société. Mais ça bouge. Oui. Il y a vraiment des périodes où le tatouage est à la mode. On est encore, je pense, dans cette période, on peut le dire. Mais vraiment, à d'autres époques, pas du tout. Ah non, absolument pas. Et on peut le dire que notre époque est une époque du tatouage, vous avez raison. Mais on nous fait le leurre du détatouage, je dis le leurre, parce que c'est vrai, on peut se faire détatouer, mais un des éléments sur lesquels on insiste beaucoup quand on se fait tatouer, on dit, vous pensez que ça fait mal? Le détatouage, c'est deux fois plus douloureux. Donc, préparez-vous à souffrir. Et il y a certaines parties du corps aussi qui sont encore plus douloureuses. Comme par exemple, quand on se fait faire une manche autour ouais. du biceps, on dit que rendu en dessous du biceps, même les garçons les plus virils n'arrivent plus à supporter la douleur. Mais d'autres vont aller plus loin et c'est la mode de la zombification. Peut-être que vous connaissez Rick Genet, qui est ce Québécois qui est apparu dans un des clips de Madonna, qui lui ressemble à un zombie tellement il s'est fait tatouer. De là à dire que c'est la mode, disons que ça fait partie d'une petite élite particulière. Alors, Laurent Turcot, deux choses. J'espère que vous aimez toujours votre tatouage, celui qui est sur votre avant-bras. Et pensez-y bien avant de vous faire le deuxième. Je vais me faire écrire Jacques Beauchamp. Oh là, n'en faites pas ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Toujours un plaisir. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. C'est Jacques Beauchamp, pas tatoué. À la prochaine.